Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct, de 10h à midi, sur archipel.org. Chut, c'est la journée des duos suisses. Ennis Schuller. Avec un CH majuscule, et c'est une traversée expérimentale en Helvétie, avec 12 duos qui viennent de 12 cantons différents. Et des gens, des artistes, musiciens, musiciennes qui proposent autant de la musique écrite que de la musique improvisée, que de la musique expérimentale. Un travail sur le son de mille manières différentes. Et tout ça pour exprimer en fait la richesse de ce qui se fait ici, aujourd'hui. Alors Aurélie, aujourd'hui c'est la journée des duos suisses, ici au Festival Archipel. Si tu serais invité officiellement pour créer le nouvel hymne national, ce serait quoi la première idée? Alors la première idée, ce serait peut-être de ne pas faire d'hymne national. Aurélie et Mary. Puis d'oublier le fait qu'il y a une nation, je sais pas, d'ouvrir le truc en se disant qu'il n'y a pas de nation, ou que je sais pas, il n'y a pas de... Ah, hop, ça pourrait être une idée ça, le son. Oui, ce serait la première idée, ce serait de dire qu'il n'y a pas, pas d'hymne. C'est un déshymne national ou un hymne dénational. Bah, ce serait peut-être d'inviter toutes les personnes qui vivent en Suisse et puis qu'elles écrivent, je sais pas, plein de communautés qui écrivent une strophe chacune et puis de les rejouer comme ça, un peu une sorte de composition participative, peut-être. Comme pour les lyrics de compo avec une strophe par communauté qui vit en Suisse, puis d'essayer de faire un morphing de tout ça. Voilà. Die Straße im Dunkeln war 90 km/h. Weiße Striche auf Beton. Ein Schnittmuster quer durch die Landschaft gelegt. Und die Kühlerhaube schneidet die Straße Stück für Stück. Macht einen schiefen Schnitt aus Zeit und einer Angst zu bleiben. Und Scheinwerfer kegeln Bäume aus der Dunkelheit ans Fenster. Zum Posieren an den Straßenrand. Hostessen der Nachtfahrer, ihr Unterholz raffend, rücken die Kronen zurecht im Wind. Stehen schön in der Gegend und helfen. I would compose a drone, a noisy drone that sounds like a Martina Verde. Stones falling from a mountain or a glacier breaking or melting, and maybe some yodeling on top of this. Yeah, well, it's a good thing that that Martina would have already prepared some music, so I could work with that and go from there. But I would Simone Laperre probably go out there and try to observe people a little bit in different regions of Switzerland, and then make a little mosaic like out of the beautiful hugeness and wideness that we have in Switzerland in the nature, but then also like this little you know, narrow-minded, very rural devoted kind of mindset. So I would like to take this from two angles, and maybe there will be a lot of humor also. I would try at least. Piano préparé. Des sons de piano préparé, ouais, bah oui. Et un peu de parole quand même par-dessus avec, je sais quoi, soprano colorato ou j'en sais rien. Cédric Pécha, Kevin Julera. Ah ouais, avec des bouts de fromage et... Des matériaux suisses, hein, c'est ça. Ouais, des matériaux suisses, un peu d'horlogerie peut-être. À l'heure, hein, faut que le concert commence à l'heure aussi, très important. I would switch from one word to the next in each of the four languages. Virginia Arancio. Well, I would talk about the spirit of the Swiss. How many have welcomed us and they are such a rich society where there are, I mean, they are so different within each other, the French and the German and the Italians, but they're so welcoming with us, artists. I mean, we have been able to realize ourselves as artists thanks to Switzerland. So I would celebrate that if it were me writing it. Maybe really precise music, really like the Swiss trains, really with rhythmical power and chop, chop, chop, like really rhythmical piece. Yeah. Teresa Akel. Rhythmical piece that explains the precision of the train and trains, and also the spirit of the people who live there. Thank you. German. Okay? Nathalie. Peter. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'è la porte. Sarah Kaiser. I would go for complete improvised music. Yes. Every musician in Switzerland is invited and then we improvise together and make a recording and that's the new anthem. Jaronas, Höner. Idea of the nation is over. We are one world now. Not anti-national. We have a beautiful country, but not to bring the national feeling, the nationalismus in German. Patrick Kessler. Je ne veux pas aider le nationalisme de devient trop fort. Parce que on est un pays très très différent et je suis venu aujourd'hui du Ticino. C'est complètement un autre monde. C'est, même le temps était, il faisait bon temps ici, il a plu. Dans le même, même pays. C'est complètement différent, on ne peut pas généraliser. En plus, c'est aussi avec la musique folklorique, ça n'existait pas. C'est une construction, la musique folklorique. Chaque vallée avait un autre son, un autre texte, autre façon de chanter traditionnellement. Et ils ont commencé de faire ils voulaient égaliser tout ça. Et c'est un peu, naturel. Non, moi je suis en train de me dire, faudrait aller demander aux gens dans la rue, chacun leurs meilleures punchlines de revendications pour le monde futur, et puis on met tout ça ensemble. Emma Swartz. Avec un bruit de chasse d'eau au début. Je sais pas. Moi je pensais faire une soirée raclette avec plein de potes qui font de la musique, puis je sais pas, écrire des trucs sur les bouquetins. Julie, c'est mort. Ou sur les chamois, enfin plutôt parler en fait des montagnes, quelque chose comme ça. Un concert de raclette, c'est pas mal, remarque, un concert de raclette. Ouais, on peut s'inspirer de Vincent Barras pour ça. Oui, moi je voyais plus ça comme ça, comme genre des bruits d'eau, et puis effectivement le coup de la raclette, je pense que si on met des pieds d'eau dans du fromage qui fond, ça peut aussi donner un hymne suisse assez joli. Pas vegan, mais où on prend du fromage. Ça pourrait être assez bien. Bon, moi j'aurais quand même assez envie d'aller enregistrer un peu plein de dialectes au Tessin et un peu vers Saint-Gall. C'est quand même assez génial. Enfin, ça pourrait se mélanger avec des sons de résonance de montagne, plus un peu de raclette comme ça, ça pourrait être pas mal. Et toutes les langues qui chantent en même temps. Mais qui chantent quoi? Pour faire un gros noise. Bah, un brouhaha. Bah après, bon, j'ai un peu de mal parce que, en fait, j'ai pas la nationalité, moi. Du coup, je voudrais pas parler à la place d'eux. Je n'aime pas de visa. Alors que moi, je suis vaudoise d'origine, attention. Catastrophe, c'est la catastrophe. Mais peut-être, Emma, tu peux te faire naturaliser vaudoise. J'ai pas envie, je crois. Radio.